Elles se font faire des piercings, des tatouages sur le corps, se font faire des liftings. Elles accouchent par voie naturelle ou par césarienne, se font faire des liposuctions, se font placer un anneau à l'estomac, se font ligaturer les trompes, se font faire des injections de Botox, se font des implants mammaires. Elles s'épilent avec des pinces ou à la cire, s'épilent les sourcils, se font perforer les oreilles. Et puis, elles ne veulent pas se faire enculer, parce que soi-disant, ça fait mal. Connasse, va !